ça. T'as dit quoi? Tu sais moi. T'as cliqué. T'as parlé. Maintenant, regarde-moi dans les yeux. High les skills, pas ton pote, pas ton frère. J'fais des vues sans quémander, j'viens de la guerre. T'as cru quoi? J'allais mendier l'attention. Moi j'te vise dans l'objectif, j'parle pas en fiction. T'es dans le chat, t'es dans l'ombre, t'as pas le niveau. T'es dans le moc, j'suis dans le sang, j'monte les rivaux. Ma voix c'est du plomb, ma cam c'est le canon. Et mon regard, c'est le début de la fin pour ton nom. Regarde-moi dans les yeux, j'suis pas un clown. Rider skill, au centre, toi dans le flou. T'as voulu, j'acte et maintenant j'te vois. Et j'vais te démonter face à ta propre foi. Rider skill, clique en silence, train, frappe en direct. Toi, tu whine, moi j'connecte. T'as le seum, normal, j'suis viscéral. J'te clash à l'écran, j'te grille en vocal. J'suis le stream, j'suis l'écran, j'suis le choix. Tes canons de plus dans ma boîte, t'as proie. Et chaque fois que t'essaies de suivre mon pas, c'est ton écho que je vois, pas ta voix. Regarde-moi dans les yeux, j'suis pas un clown. Rider ski, au centre, toi dans le flou. T'as voulu, j'acte, maintenant j'te vois. Et j'vais te démonter face à ta propre foi. T'as dit quoi sur moi? T'es dans ton coin, mais moi je suis là. J'te parle en face. Rider skill te regarde et t'as plus rien.